rues sont désertes et les gens sont muets. Et le cœur des enfants sanglote en rêvant. L'ennui peu à peu envahit nos âmes. Il est aussi dur d'être un homme qu'une femme, puisque nos amours distillent la faiblesse et que nos mariages ont des relents d'église. Le monde adulte refuse la tendresse, puisque nos cœurs sont sourds et nos nerfs sont en crise. Je pars, ami, je pars, chevalier errant au hasard d'une rencontre, d'un ou d'un regard. Ermite sans croix, prophète sans prophétie, Père Noël d'espoir, j'enfante de la folie. Les gens déambulent, meurtris de solitude. Chaque jour qui passe est un jour sans passion. Malgré leur confort et toutes leurs habitudes, chaque jour qui passe est un jour en prison. Ils traînent leur chaîne, résignés et sans vie. Ceux qui luttent encore sont traités de pauvres fous. Pourquoi suis-je né? Dites-moi qui je suis. Et mourir d'espérer, mais le monde s'en fout, s'en fout. Je pars, ami, je pars, chevalier en haut hasard d'une rencontre, d'un sourire ou d'un regard. Ermite sans croix, prophète sans prophétie, Père Noël d'espoir, j'enfante de la folie. Se vit pas ivre mort au comptoir, et nos rêves parfois deviennent réalité, et à force d'y croire, on finit par gagner.